Un mal, chapitre 4. Cachapré se mit à rôder autour de la ferme, à la façon de l'épervier qui, à mesure, rétrécit ses cercles autour de sa proie. Il s'attardait derrière les haies, traîné à la lisière du bois, l'attendait venir, juché dans les arbres. Il voyait par échapper un peu de sa personne, un bout de sa robe, et cela alimentait son désir. Un goût plus instant s'était jeté à travers ses rages de destruction. Il négligeait les gîtes et les terriers. Le poil roux des lièvres ne faisait plus partir le coup de fusil qui casse les reins et met le ventre en hachis. Sa carabine reposait dans une cachette au fond d'un fourré. Il connut bientôt les habitudes de la maison. Au petit jour, quelqu'un conduisait les vaches pâturées. Il y avait deux pâtures, celle du verger et celle du pré dans le bois. Quelquefois, Germaine ramenait les bêtes. Il l'avait suivie deux fois. Il s'était dit des choses insignifiantes en se souriant, heureux d'être l'un près de l'autre. Et tout à coup, elle lui avait crié « Bonsoir !» près de la ferme. L'après-midi, elle allait au champ. On plantait les dernières pommes de terre. Hulotte avait engagé des femmes pour ce travail. Et elle était au milieu, besognant comme elle, penchée sur les trous bruns. Des heures entières, il l'épiait, immobile derrière un arbre ou les broussailles, une prudence lui conseillant de ne pas se montrer. Elle passait entre les lignes, la banne aux pommes de terre pressée contre sa hanche, prenant dans la banne, puis jetant devant elle. Et ce geste qui recommençait avait une grandeur. Ensuite, une des femmes ramenait la terre d'un coup de bêche. Il admirait les mouvements de son grand corps dans la brume chaude des après-midi. Par moments, elle se mettait droite, se reposait sur ses reins, les deux poings plantés sur le côté, et demeurait sur place, se détendant, rafraîchie, les yeux mi-clos. Une fois, il imita le cri de la chouette pour lui faire tourner la tête de son côté. Elle vit une agitation dans les arbres du bois, et devinant qu'il était là, elle agita la main au-dessus de sa tête. Alors, il se mit à hennir du hennissement grêle d'un poulain. « Il est drôle !» pensa-t-elle. Ce jour-là, quand le soleil marqua 4 heures au ciel, les femmes revinrent seules à la ferme. Elles n'avaient pas faim. Elles préféraient continuer à planter. La besogne n'avançait pas, et d'autres raisons pour demeurer au champ les femmes parties. Cachapré descendit de son arbre. En quelques enjambées, il fut auprès d'elle. « C'est toi ?»« Oui. »« Et que faisais-tu dans l'arbre ?»« Rien. »« Si fait. »« Quoi ?»« Tu me regardais, tiens. » Il balança la tête. « C'est vrai. » Elle l'enveloppa d'un sourire singulier et lui dit « Vaut rien, t'as là un beau métier, rien faire et passer le jour à regarder les filles. » Il cherchait une réponse. « Moi, fit-il, en une nuit je gagne de quoi rien faire 3 jours. Et puis, ça me plaît de te regarder. J'aime autant ça que me fouler les pieds à marcher. » Elle lui dit qu'étant jeune, elle aimait à courir dans les bois. Mais cela lui arrivait rarement, son premier père ne voulant pas. Et tout à coup, il y eut comme une joie sur son visage. « C'est juste, je ne t'ai pas dit, mon père était garde. » Il crut qu'elle se moquait de lui. Alors, elle lui expliqua le mariage de sa mère avec le fermier Hulotte. Le meilleur de sa vie s'était passé à la ferme. Toute petite, elle n'avait pas été heureuse. Non pas que son père fût méchant pour elle, mais il avait l'humeur un peu noire des gens qui vivent dans les bois. Et en disant cela, elle lui lançait un regard pour le faire parler. « Oh, moi, répondit-il, je suis bon comme le pain. Je ne sais pas ce que c'est que de faire de la peine à quelqu'un. » Il se vantait, se laissait aller à un éloge immodéré de son caractère. Et il ajouta que celle qui l'aurait le verrait bien. Puis revenant de son étonnement de la savoir la fille de Maucor, alors qu'il la croyait engendrée de Hulotte, il eut une traînée de petits rires sourds. « Ah ben, en v'là une histoire. Si ton père était vivant, j'aurais peut-être tiré dessus lui. » Elle se redressa, blessée dans une mémoire chère. « C'était un homme, celui-là, » dit-elle rudement. « Il t'aurait coulé bas comme une charogne. »« Bien sûr, » dit-il, comprenant qu'il avait été un peu loin. Et il parla d'autre chose. C'était bientôt le temps de la Ducasse. Il lui demanda si elle aimait la danse. Et comme elle répondait oui, il lui dit « Moi aussi, on saute, on fait des bêtises, on s'embrasse. Nous nous embrasserons, hein, Germaine ?»« À savoir. » Il s'approcha d'elle et la tirant par les poignets de toute sa force, la tint contre sa joue. « Ça se fait comme ça, » dit-il en riant. « Et ça comme ça, » répondit Germaine en lui lâchant un large soufflet à travers le visage. Une rougeur de colère lui était montée aux joues. Elle lui en voulait d'avoir été plus fort qu'elle. Il l'avait prise en traître, sinon... Il fixait sur elle des yeux gris, ardents. « Veux-tu recommencer, Germaine ? » dit-il. Elle ne put retenir un éclat de rire. « Non, » reprit-elle. « Il y aurait point de raison pour ne pas recommencer après, et encore après. » Des voix s'approchaient. « Encore une petite fois seulement, » dit Cachapré. Et il marchait sur elle les bras ouverts, les narines dilatées. « Approche !» fit-elle en saisissant une bêche. Il écarta la bêche d'un coup sec de la main et colla ses lèvres sur sa peau chaude. « Démon, vaurien !» fit Germaine riante et furieuse. Elle jeta la bêche après lui sans l'atteindre. Il courait à larges enjambées, le corps plié en deux, la tête à la hauteur des reins, comme font les braconniers poursuivis. Une fois dans le bois, il lui lança un cocorico retentissant. Les femmes arrivaient. Germaine regarda devant elle, longuement, perdue dans ses idées.